En 189 avant Jésus-Christ, dans le tumulte des guerres et des rivalités politiques, une alliance avait été conclue entre deux frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie. Ils s'étaient mis d'accord pour édifier une petite cité qu'ils appelèrent Philadelphie, nom composé du verbe grec philéo, aimer, et du mot adelphos, frère. Philadelphie était donc la ville de l'amour fraternel. Or, 250 ans plus tard, une église chrétienne était née dans cette cité et ses membres ont donné à leurs contemporains la démonstration pratique de l'amour vrai qui lie entre eux des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Philadelphie occupait une position clé sur la route reliant la mer Égée à l'Euphrate. Le Seigneur Jésus, qui avait suscité une église en cet endroit stratégique, lui a adressé une merveilleuse promesse. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Par ce message, nous pouvons pressentir que les membres de l'église de Philadelphie ont abondamment profité des avantages que leur conférait leur position géographique pour annoncer la parole de Dieu auprès et au loin. Les portes se sont ouvertes devant eux, tant et si bien que toute la région a été au bénéfice d'une profonde influence chrétienne qui subsista jusqu'au XIVe siècle. L'église de Philadelphie a donc été caractérisée par un élan missionnaire. Sur le plan prophétique, elle préfigure le christianisme missionnaire, itinérant et pionnier que Dieu a si abondamment employé pour la propagation de l'Évangile depuis le XIXe siècle. Mais il est temps de nous pencher ensemble sur les premiers versets de cette lettre adressée à l'église de Philadelphie. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous vous invitons à lire ces versets avec nous. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur avait adressé des reproches aux églises d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire et de Sardes. Mais, à l'église de Philadelphie, il établit en quelque sorte un certificat de fidélité. Et si nous lisons attentivement ce certificat, nous y découvrons les quatre secrets de victoire qui ont permis à ces chrétiens de triompher dans toutes les situations adverses. Je veux parler de leur obéissance à la parole de Christ, de leur fidélité à la personne de Christ, de leur expérience de la puissance de Christ, enfin de leur conviction quant à leur position en Christ. Premièrement, leur obéissance à la parole de Christ. Je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. D'autres églises étaient puissantes, mais celle de Philadelphie avait peu de puissance, littéralement une petite puissance. Cependant, la parole de Christ en elle était sa force, parce que les croyants obéissaient à cette parole, quel que soit le prix de cette obéissance. De plus, Dieu honore toujours ceux qui se sentent faibles. Comme l'apôtre Paul, l'église de Philadelphie aurait pu dire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Le 15 septembre 1940, Winston Churchill a prononcé cette phrase historique au sujet du jour décisif de la bataille d'Angleterre. « Jamais dans les conflits humains, le sort d'autant d'hommes n'a dépendu du courage d'un si petit nombre de défenseurs. » De même aujourd'hui, le sort d'innombrables perdus dépend d'une minorité résolue qui ne regarde pas à la faiblesse de ses moyens, mais à la force de son arme souveraine, la parole de Christ. Parce que l'église de Philadelphie aimait Jésus-Christ, elle gardait sa parole. le Seigneur l'avait précédemment souligné. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Mais l'église de Philadelphie avait un deuxième secret. Elle demeurait fidèle à la personne de Christ. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Elle devait tout au nom de son Sauveur bien-aimé. Elle était sauvée par ce nom, elle priait en ce nom. C'est vrai qu'elle était haïe à cause de ce nom, mais elle recevait sa force de ce nom. La personne de Christ inspirait ses prières, son service et son témoignage. L'église de Philadelphie avait compris le sens de la présentation du Seigneur dans l'introduction de la lettre qui lui était adressée. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Il est un sentiment qui fait bien souvent défaut dans nos communautés modernes. C'est la conscience de la sainteté de Christ. Le nom béni de Jésus est souvent prononcé à la légère, même répété sous forme de ritournelle dans des chansonnettes qui ne sont plus l'expression profonde de l'adoration que mérite notre Seigneur, le Dieu trois fois saint. Pour les chrétiens de Philadelphie, Jésus était à la fois le Saint et le Véritable. Parce que le Seigneur s'adressait à eux comme le Saint, ils voulaient être saints dans toute leur conduite. Et parce qu'ils se présentaient à eux comme le Véritable, ils ne voulaient d'aucune manière trahir ce nom béni. Et ils s'éloignaient résolument de tout ce qui était faux, mensonger, hypocrite ou idolâtre. Le langage de l'apôtre Jean rappelle ici celui de la fin de sa première épître. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. Le troisième secret de l'église de Philadelphie était son expérience de la puissance de Christ. Voici ce que dit celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Une fois de plus, le texte de l'Apocalypse cite ici l'Ancien Testament. C'est une prophétie d'Ésaïe qui revêt tout son sens dans ce contexte. Au 7e siècle avant l'ère chrétienne, un certain Shebna avait usurpé le pouvoir à Jérusalem alors que Dieu avait désigné Éliakim pour occuper l'office de gouverneur. Ésaïe l'annonce aux Juifs de la ville en disant au sujet d'Éliakim « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ésaïe 22, 22. Cependant, au-delà d'Éliakim, dont le nom signifie « celui que Dieu est en train d'établir », le prophète entrevoyait Jésus-Christ, le fils de David, celui qui aura autorité sur le monde de demain. Dieu l'établira sur les nations lorsqu'il aura délogé de son office de dictateur universel un nouveau Shebna, l'Antéchrist. Alors Jésus-Christ manifestera sur la planète Terre son règne de paix et de justice. Dans l'Écriture, la clé est toujours un symbole d'autorité et de puissance. L'expression « celui qui a la clé de David » est donc une allusion à Christ dans son pouvoir universel. Pourquoi l'Église de Philadelphie craindrait-elle alors que son Seigneur disposera un jour de tous les pouvoirs ici-bas? Il voulait déjà mettre cette église si faible au bénéfice de sa toute-puissance. Quelle sécurité pour elle de se savoir aux côtés de celui qui se manifestera bientôt comme le grand vainqueur. Une telle conviction permettait à l'église de Philadelphie de tenir une position ferme, inébranlable, sans équivoque. Cette position en Christ, quatrième secret de victoire de l'église de Philadelphie, est suggéré par cette phrase de la lettre qui lui est adressée. « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » L'ouverture de certaines portes implique la fermeture de certaines autres. Les chrétiens qui veulent vivre en relation directe avec le Seigneur de gloire doivent volontairement consentir à ce que certaines portes se ferment derrière eux et autour d'eux. Après leur conversion, leurs relations avec le monde environnant ne peuvent plus être les mêmes. La rupture avec certaines habitudes du passé est inévitable. Ils demeurent en communion avec Christ et expérimentent sa puissance dans la mesure où ils se séparent de ce que leur Seigneur désapprouve et condamne. Je l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens de Philadelphie faisaient preuve d'amour fraternel. Mais cet amour fraternel n'avait rien de factice ni de superficiel. Il était pour eux l'expression d'une communion intime avec Christ. Dans l'esprit de la prière sacerdotale du Seigneur, dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, ils étaient un en Christ, comme Christ est un avec son Père. Et puisqu'ils étaient unis à Christ, ils demeuraient fermes devant les fausses doctrines, l'erreur et l'esprit du monde, ne s'associant qu'avec ceux dont la position était la même. Hébreux chapitre 10, verset 33. L'amour fraternel qui caractérisait les chrétiens de Philadelphie n'avait donc rien de commun avec le dialogue intercommunautaire ou interconfessionnel si cher à l'écuménisme contemporain. Leur amour pour Christ, le véritable, s'exprimait au travers d'une position vraie devant Dieu et devant les hommes. Voulons-nous, dès ce jour, marcher dans les traces de ces fidèles croyants du premier siècle, ces hommes et ces femmes qui savaient obéir à la parole de Christ, qui étaient fidèles à la personne de Christ, qui vivaient dans la puissance de Christ et dont la position en Christ était en harmonie avec leur doctrine? Que le Seigneur nous accorde à tous cette fidélité dans la vie de tous les jours.